بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال سيدي علي الحرازم برادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في جواهر المعاني نقلا عن سيدي الشيخ أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في شرح ياقوتة الفريدة فصح لنا من هذا الكلام أن هذا الاسم الشريف غير معلل فهو علم على الذات الواجبة الوجود إلى آخره kon wax nañ ci manam ci jotay bi wessu ci la ngi ci jàng la dal lim doon wax ni ci minde fi manam miñu nekké ay manam miñu nekké ci biir xam xam borom subhanahu wa ta'ala han genn manam di wax pa ñu nekk ay réalité yu genn ci biti mais yu ñuy gendé ko ñu ñew da di wax ak né tour yi nga xamantene ay yeen bo leen ñu génné wu ñun kenn duñu xam mais suñu seen effet tam du am ci ñun légui dañu bëggul génn tour yi ne leen waaw baxna légui nañ dem sét yi ñun suñu kilifa manam bi nga xamantene mom moy tour bi lañ dajalé ñoom moy ar-rabb bi ñu démé ci ar-rabb rabb né ah man dama am kilifa man xaarama dem waxtaan ak mom wi Allah Allah da waxtana tour bi nga xamanteni haqiqatan mom mom lay tektale jeme ci mom te mom moy tour bu mag bi deug deug mom mu daldi dogal ni bu ko defé manam mu daldi wuyu ñepp daldi bu ko defé mindi fi daldi genn genn ci anam gi nga xamanteni mom la genné ni nga manam ci anam gamu deppoo ak xam xam borom ak soobaram ak kat ak soobaram surtout légi loolu lay wax né kon tour le bo xamantene kon lakki taxul ñu exister ndax dafa exister ci azal ba paré tour le bo xamna alam la manam day tektale mandal gala guy tektale manam nek gi nga xamantene moy nek bu sel gogou nga xamantene dafa kawé wëlif lepp lo xamantene ak wañéku la waye tamit ak lepp lo xamantene sax ak mat la ci xelu mindi fi nek tamit lo xamantene dafa and ak luñu doyal waye yoy yep buñ koy wax sax dañ koy wax rek ngir jégeñal ko xel yi waye deug deug borom subhanahu wa ta'ala manam deñ na ci mbolam lolu niki nonu wax na ne tour bi and ak li nga xamantene mom moy touru jëm ji la borom manam nek borom subhanahu wa ta'ala yep touru martaba bi la du touru nek gi ci deug deug bopam manam martabam la ndax nek yi ci jëm bopam moy azzat koku dafa nek ci dayot neubutu kenen ku dul mom borom subhanahu wa ta'ala xamuko lolou mom motax li nga xamantene mom lay wax ne manam li ñuy wax ci manam arif di wax ne borom subhanahu wa ta'ala moy ki feñ nangam mom kesse et cetera yoyep manam ci martaba bi lañuy wax mais du nek gi deug deug manam du essence bi mais martaba bi lañuy wax sino essence yalla kenn xamuko munafasa xamu wer rek kon lana ñen min hadal kalam ci gila kaddu anna hadha ismu nak bilatur ash-sharif bu tedd bi ghayru mu'allal nek luy ñuy waral luy indi ak waral ak tax fo huwa ndax tax mom kon alamun manam luy ragne la di mandargal ala zaat ci nga xamne moy nek di al wajibati nga xamne tane adi war la al wujudi ak nekam manam waxan nañ ne waruk nek limi tekki wul war comme niñ koy waxe ci fiqh ak ci usul ak yoy ak meme dans le langage courant nan nangam dafa war ci yow manam moy ke ni dañ ko atté tek ko ci sa kaw du lol waye limi tekki moy deug la su ke ni atté la bu teggu ci kaw parce que baatu wajaba sax lol lay tekki ba wajaba haqiqatan etymologiquement lol lay tekki moy lu teggu ci kaw dara war ci kawam motax mun fa iza wajabat junubha fa at'imul qani' al muhtar manam moy bu wall gi wodde manam tegu ci souf lol la ak fi hadith bi di wax nan wa kana yusallil maghriba iza wajabat manam da dan julli yentim sallam timis bu jant bi wajabat wacce donc manam kon lol moy wajaba manam wajib lol la lepp le fait que nak mu teggu ci kaw dara manam le farata lu war le fait que muy galu ci los nit ñi li ci losu kamuy war lolu tax ñu nan dafa war mais aussi bo xolé ci walu étymologiquement ci walu buntu bi tamit le fait que mu nek lo xamantene ak ñak amu manam ak nekkam dafa teggu ci réalité mbir mi motax ñu nan warna ce qui veut dire que moy nan comme buñ nan borom subhanahu wa ta'ala ak nekkam dafa war moy limi tekki moy mënuñu concevoir contraire lolu parce que lolu dafa nek lo xamne dafa teggu wi lo xamne kenn am xel mënu concevoir lolu teggé ko moy warna lolu lay tek hein mais tekki wul né da way nekkam dafa nek man obligation dans le sens où mom il est obligé d'être quelqu'un kuy def ni dedet tekki wul lolu mais limi tekki moy da no mënul imaginer contraire bi existe sinon comme raisonnement yi mësa am yépp dañuy yaq lool lay tek manam yalla ñak amam bis buñ ko concevoir rek mo dem luy raisonnement day yaq voilà voilà lool moy war gi deng motax mu ne wama nataka li nga xamantene mom lay wax bi ci mom al mutakallimuna wax kat manam al mutakallimuna manam moy ñi nga xamne ñoy yëngatu ci almul kalam am nga xamne dañi manam xam raison manam rhétorique islamique peut-être hmm waxo wonu lañ koy féré rhétoricien wa mais il faut ñu utiliser théologien ah d'accord ah théologien ah deng kon mu takallimu ne min qawlihim ci wax gi ñi wax nan innahu nek mom ismun turla juz'iyun bo xamantene dafa am lu mu manam parti manam ap ki la dal juz'i ap jukki la manam ap khad la mune fa batilun manam dafa am ci lu mu jugge manam kodu dafa am ci lo xamantene dañ nan dafa jugge ci nangam tax et cetera wala mu am rek ci lo xamantene ci lola lay wax wala ci lola la aju lolou mune fa batilun tol tiaxan la ya sax wirul lolou neen la wirul wa li meuna nek mom moy ne tour la bo xamantene Hein? Voilà manam lool la exactement et que non seulement amul tiosan mais amul manam dafa aju ci lepp ci borom subhanahu wa ta'ala mais day tekkale deug kan borom bi ci bopam subhanahu wa ta'ala munali anna juz'iyya ndax lo xamanteni dafa xarefe manam dafa xarefe dafa nek lo xamanteni dafa am ci lumu bok fi ma day nek ci mbir mo xamanteni sha'nu ay mbiram an yakuna ci moy mu nek kulliyan lo xamanteni lepp mbir mi ni lay doon awol bok juz'iyan mu nekul khatat manam moy ensemble lay don wala mu lo xamne dañuy meuna concevoir ben ensemble wala ñu concevoir ab element ay element moy lu meuna composer tout simplement ci lool lañuy meuna imaginer lan ci lool lañuy waxe affaireu juz'i manam lool mais yalla loolu amuko manam comme ci jëmum ji lay tektale motax mënuñu ko wax lool subhanahu wa ta'ala manam ci nek manam jëmum ji baat bobu baatu jëm ak nek mëna wuté tuti xam nga lañ lay dañ koy wax sax jëm ji fekk nek gi lañ ci djublu mais vaut mieux nga wax nek gi bo té nekké ci jamono jo xamné so tuddé jëm nit ñu bari dañuy fogg né jëm ji physique bi lañuy wax alors que essence la manam essence ak physique duñ ben mo ne la defal na nga ngir jëm yalla xam nga lolou dañ koy wax ngir jëm yalla mais boko waxe nonou lolou liñuy comprendre rek moy ngir yalla le fait que mu nek borom bi subhanahu wa ta'ala statue bi mu yore lolou la mais su fekkentene dang koy wax ci jamono jo xamantene bo ne ngir jëm yalla nit ñi dañuy fogné dafa am benn physique bu fi nek booba do do ko waxete non dang koy dindi parce que yoyu lu addu ci daruriyati surtout yu mel non manu yi nga xamne munu ñak nga xam ko parfois day évoluer solo jamono yi manam jamono ju nek ak yi nga xamantene dafa mujjé nek lu évident ci nit ñi lool mom motax il faut que nit ñi tamit ñi wax di bayyi xel lool ci ñi ñi waxal tout temps xolal xam nga jamono ju bo setlo il y a un siècle ci ginnaw buñ né yalla ci léram lu bindé lér yéneñti bi sallallahu alayhi wasallam ñepp dañuy comprendre liñ bëgg wax mu nek langage bu simple d'ailleurs sax langage bo xamné en réalité duñ koy faral di utiliser loolul ci ñen ci ñi nga xamantene ñom ñoy yëngatu ci mbir mom ñom ñi yëngatu ci affaire tasawuf xaw ci ko tuti wala yoy ñom ñoy xam baaw baat yoy ñom lañuy faral di waxe non mais buñ démé ba jamono jo xamantene ñepp kenn ku ci nek ku xam ku xamul ku bëgg ku bëggul ku ñepp dañuy utiliser ba lèr ci lèr yalla yalla ci lèram la génné lèr yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam lèr yëneñu sallallahu alayhi wasallam ñu diko wax mu nek langage populaire légui nak gaay ñom affaire bobu ci bobu ngay gis ñuy wax ci diiné di wax di nek manam sax yor manam da nga nek ay kilifa de nga kalaw amama sol garam bu nek mel na ñu leen neex na tok aduna bi yépp sétan leen nu braqué leen caméra wu télé ak yenen manam xel yoy yépp ñepp dal manam ñu ñukoy expliquer no xamantene da ngay xamné ki day tashbih instant bi mi ngi tej sim manam moy mi ngi wutal yalla ay physique Allah diko expliquer no xamné da ngay xamné ki dafa ki comprendre lu mi wax lan la population bi tamit ñom dañuy dégg comme que dañ leen di wolu dañuy japp né kon bir mi ni la mënul nekk leneen lu dul li wax parce que kuy joxe exemple xam nga ku joxe exemple wax wax jojo par exemple djel ne borom bi subhanahu wa ta'ala masalan ngani xolal buma jele sama sondel dal ko muy leer muy tak tak ma jël tak tak bi nit ko tek manam sama tak tak bi mu mujjé yor ci won tak tak la génné ban du sondel té wañu ko dara parce que en fait question bobu lutax lutax ñom ñukoy faral di wax moy le fait que ki ñuy waxal wala ñom ci seen bop sax ñuy def tawahum manam di def ak def def ak imaginer ni que ni bo waxe mbir mi non na yalla dafa genné ci léram la jëlé bind ci lér yéne dou sa sam day melni amna luy wañé ko lu tuti tuti ci mom hein légui nak pour dindi lolu ñuy joxe xéetu exemple yoy lolu moy par exemple bobu exemple c'est comme si da nga comprendre que ni lèr gi tax ñuy wax lèr gogu ak physique la manam xam nga lèr lèr lumière ay en fait ensemble de photons et de ay photon voilà hein voilà c'est vrai que likoy indi voilà moy ni wa ni électron di dawe et cetera tout ça manam hein mu indi lèr hein wala mu nek ben nuage de poussière et cetera manam likoy waral dal en tout cas mais en tout cas voilà ay photon dal la plutôt ligue kon yow bo jappé ni mbir mi kon non la démé c'est parce que dama tibé ci li et puis affaire bobu exemple bi tak tak na du lèr batay parce que tak tak ak lèr batay du ben mais comme pour joxe exemple que ni voilà bo jëlé ci li mën na baña wañé ko bon borom bi subhanahu wa ta'ala plutôt lolou daf ñuy jangal néñu c'est comme lolou amna ci aduna waxuma la al-akhirah buñ waxé né aljana la fa nek du jeex du wañé ko plutôt ñun loolu lañ ci mën jàngé mais pas lu aju ci borom bi parce que comparaison bi ñu mëna def digënté mindeef ak mindeef lañ ko mëna def mënu ko def digënté mindeef ak borom bi dédé lay sakka mislihi shay'un hmm voilà légui da ngay gis légui tamit kon ñom ñuy expliquer loolu di manam ni ñu comprendre mbir mom ngay yegg né ñom dañu jappé lèr buñ nane lèru yalla ñom dañ ko jappé comme ben affaire bo xamné xéetu nuage de poussière bu bari wala ay photons yu bari lèr gu gi manam ñom non lañ ko jappé manam li ni wax lèr fi nun alors que mbir mi déwé wut non léna tam nga gis ñu ci gëna ki né manam ño xam tane exemple yi ñuy faral jox sax mo gëna graw encore mo gëna dangereux encore moy né comme tay par exemple ko xam tane lim yor ci ay batant ci yéré du jeex bu jëlé ben yéré jox la ci wañu ko dara mais en kay wañu nako dara ndax ben yéré dem na wala mais do bo ci lool exemple bu jëk bi sax mo préférable en fait bu doon manam bu ñattalé won ni amna buñ ci mëna nang mais ñaarël mom mom c'est catastrophique mom yalla ñu yalla sax légui en fait yoy té alors que lolou buñ ko waxé liñ ci djublu rek moy né borom subhanahu wa ta'ala ba mu namé mindé fi amal len daf leena amal ci manam tourum mi ak melom yi wala bok daf leena amal ci génné len à partir du néant té léru yénentou sa sam la ñëk génné lolou rek lay ték comme buñ né Allah comme buñ né nuru samawat wal ard moy lere asamané fursu est ce que lan lay tekki day tekki ne lere yépp moy yalla ci bopam manam en tant que djëm en tant que nek dedet mais limi tekki mom moy mom mo genn asaman ci ak fursu amal ko genné ko ci ñaka am indi ko ci am muy lere parce que lere lo rek la lere du leneen ludul le fait que ñu dara ñuy teggu ci mbir mo xamantene bu ca teggowé day genné ci ñaka accessibilité bobu manam ñak le fait que ñu mënon ci tek loxo wala beut wala manam ñu mënon ko daj légui ñukoy mënd di wëlbeuti ko diko daj loolu lay tek lér lool rek la tay même tay buñu waxtaan ni bu mëna la sama wax ji est-ce que li mëna wax lér na moy ñu ko jëlé ci lënt voilà indiko de telle sorte que yow légui sama xel da na ko daj voilà ci perception waxna ñu ko comprendre place bi bu lëndeme ñu taal fi lamp mu léral fi limi tek ci moy moy yekiti na lendeum gi nekkone fi ba tax munu mo wona xamé dara fi sama beut munu won teggu ci dara legi mut leer mom en tout état de cause ci lol la manam leer lol la manam borom subhanahu wa ta'ala ñak gi manam jele bi mu jele ci manam ci dara a part du néant mu genné mindi fi ci biti mom lay mom moy leer gi mu leral moy liñu wax nan am moy nur sama wat ko dara leer asama na sus buñ né dafa jëlé ci léram léréen salalah mana bobu la yor moy à part de rien du néant mom rek mu nékkor fi é mindeef yépp nék ci biiru ta xeybu xeybu fa kumpo gëna kumpo borom subhanahu wa ta'ala jëlé len fofu génné len ñu nék ci biti mana bobu la yor yorul benen mana manam kon il faut pas que il faut que ñuy manam mais kon lolu yow bo nekké ci jamono jo xamné xéet expression bobu day compliqué ci xélo ki ngay waxal bu utiliser lolu waxal le wala waxal baat bu gëna leer waxal baat bu gëna leer hmm wa bismillah dama degone kenn ku doon wax ci lolu mom mo doon dakk li ni yalla ci leram lu bindé yéne dou sallam mais mom limu indi comme argument moy né le fait que yalla limu wax né ni rewul ak dara té dara ni rewul ak mom néna mom mo lolu mom lolu moy lay justifier né wa c'est parce que kokou lolu la lay wax ni la mom dafa imaginer ni lolu limuy téki moy wala mom dafa imaginer lolou limi tek moy mom ci bopam da amuk leer après mu tibbu ci dara da di tek ne muy obien mu yenen te bi lolou sallallahu alayhi wasallam manam mom le fait que mu imaginer lolou mom mo indi problème bi mais bu fekkone tane daf ko comprendre comme que ni mu moko jele ci ñak am genn ko indi ko ci am problème bi day dal di jeex lolou wax jori limi tek geunul reuy ni geunul touti que ni mom yenen te bi sallallahu alayhi wasallam la yalla ñeuk genn ci ki mindi fi geul li rek la geulul reuy geulul touti ke ne yeren tibi sallallahu alayhi wasallam ba yalla namme bindu mindi fi mom la bindu ci appart de mom la bindé lenen ni ci dess lolou rek ngui lay tek voilà voilà wala na xéra ni tafsir bi lerr na légui voilà légui bu fekkete dang ko imaginer comme étant nak que ni voilà ki voilà légui nak yoy nga bu ko wéddi fé ci nan yalla mom melul ni dara motax kon nangam lolu xam nga koku ñak comprendre lolu yépp moy ñaari groupe yépp ñom niñ comprendre wax ji mo baxul motax ci départ bi hmm même ñu ndik bo xolé même ba ci il y a 100 ans kisse ñi ko dañ wax dañ lañ comprendre liñ dañ wax mais légui ni légui bo ko waxe ce qui fait que légui duñ soppi changer duñ soppi waxe ñi soppi waxe simplifier ko wa lool mo motax comme ni buñu wax zat azat moy nek nek gi moy essence bi nga xamantene manam ak nek nek manam moy mom ci bopom xam nga li wouté zat ak sifa moy donte borom bi nak subhanahu wa ta'ala sifat yi manam moy melom bi daño sax ci jëm ji tin manam ci nek nek gi plutôt ni tout moy azat dañ ci sax manam dañ ci taxaw parce que té lolu li nu koy won moy né le fait que borom subhanahu wa ta'ala nek ba paré ñu gis ci mom né par exemple mom xamna parce que limu def ni ku xamul duko man hein amna katan ndax yi amna nam parce que le fait que mu taxawal mbir yi yep manam mbir mi démé ni té démé wul nenen té possibilité yi mu démé won nenen nek ay milliards de possibilités mais mu démé ni moy wané ni amna volonté bu nek ci mom bu tax mu démel affaire bi mu démelé ko ni té démelé wu ko nenen le fait que nak mu def ko ba mom mbir mi mu réaliser wu taxaw moy wané ni amna katan du deug le fait que tamit manam yoyu yep dajalo moy wané ni day dund parce que lolu sudul ku ko man c'est parce que da ngay dund tay bu fekkontene lolu mën na tax ñu ki kon tay buñu gisee nit kuy dox di dem ñu mëna duté ba xam mi ngi dundum deet parce que ah oui bu fekkene dem and ak yalla li mu def yef ñuy duté ndax dina dund moy buñu gisee nit kuy dox ñu mëna duté ndax mi ngi dund parce que hein voilà hein dara ma top lool ba ci melo yi jeex manam melo yi manam da no sax kon ci jëm manam ci nek nek mom borom subhanahu wa ta'ala mais melo yi ak nek nek yi manam borom bi nak subhanahu wa ta'ala motax nek nekam manam même melo yi nonu sax daf koy feñal motax mais nek nek yi ci bopum mo neub dayok neubut moy essence bi xam nga tay nit le fait que ñu né nit ki day nit la dafa am lo xamantene mom obligé non la wara mel fek melut nonu lolu taxul ñuy wax nit lolu moy deug deug moy nek nek moy essence am wa moy day yëngatu day am xel et cetera parce que sinon dañuy wax dafa dé wala yoy légui nit ki tay imagine su fekkentene legui dafa ñuul wala dafa wex dafa njol dafa gatt yoyu ay mbir yo xam tane dañoo sax dañoo takko mom manam yoyu c'est pas parce que nit le motax mu mel non c'est pas parce que nit le motax mel non alors que manam et puis tamit dafa gawa mer da fay ki lolu ah da nekh nekh dara nekh dara nangam yoyu yep nit amul ki ak nitim voilà lolu day ay mbir la yu dole ko ci mom muy melo yi lolu mo woutale nek deug moy essence bi ak li nga xamantene mom moy manam melo bi essence mom du soppek motax roh bi nga xamne deug moy sa essence du soppek du maget du du febar du def dara roh amul problème bobu alors que jëm ji mu amé nga xamantene mom par contre mom ci ay attributs yi rek la bok koku day febar day wir day maget day dundul di dé et cetera voilà lolo tax il faut que ngay différencier tout temps lolo tax ki xawa jafé kenen kalam lolo tax mu xawa jafé touti parce que il faut que ngay man di différencier affaire sew yu ki yi non subtilité wa subtilité voilà ala kulli hal kon lolo la lay wax né la kon mbolam yi gaay di wax nonou yanout mana parce que il faut pour lolo mu né il faut que ñu mën ko askanalé ñu buñu waxé yalla xel yépp day dem ci nek gi du dem ci melo yi ci nek yi lay dem kon ko mbir mi non la demé té nek gi amul dara lu ko waral ak dara luy tax ba paré amul dara lu muy luy soppé amul añu comme moy lool quoi amuñu ay contraire ak yoy alors que melaw mi amnañ ay contraire manam ci walu par exemple manam dafa am comme par exemple ay dafay day xéewale day xagné par exemple day bind lu ko neex dakoy baye et cetera manam du yo xamantene deug boudé ci côté mom dafa sax amul fumu tambalé amul fumu yam té amul manam boudé ci walam mom amul contraire comme niñ ko gissone ci etlaq bi taqibi kunuzi mais boudé ci suñu côté day am ay effet alors que nek gi mom amul rapport ak mindé fi motax dafa nek ci dayo neubut kon comme mbir mi non la démé ba paré amul mom moy ciossanu lepp té ak nekam war lola tax mom munu ñu taxaw di wax waxi nan yalla manam que ni tour bobu dafa am fumu fumu parce que ben affaire rek mom mo am moy en réalité hakikatan du touru yalla bi rek sax du Allah rek mom mo qadim yeneen tourum yep non lañ mel lool mom motax al-Qurtubi rahmatullah alayhi imam al-Qurtubi rahmatullah di wax nan mu'tazila yi seen wax gi ñu wax ne al-Qur'an kaddu la gu soso mu ne seen wax ji ñi wax ne turu yalla yi amul dafa am fu mu tambale manam turu yalla yi minde fi ko waral lool moko gën graw manam wax joju mo gëna bon encore mo gëna graw ke wax ji ñi wax ne alquran kaddu borom bi mais bu sof lool tax mu koy wax parce que turu borom subhanahu wa ta'ala en tant que ay turum dañu sax ci dañu lekkolo ak melo mi parce que tour yi liko indi moy melo yi tour yi melo yako indi comme buñu wax yeurmane melo manam aji fess de lu yeurmane wala ki yeuramat ak yoy melo ak yeurmane ge ko indi xam xam bi bu ñe mom moy ki xam alim melo xam xam moko indi et cetera leena tour bu nek nak lu bon bon dina am ben melo bu mu lekkalul tour bu nek amna nak tour yo xamantene dañu am melo yu bari yu lekkalul en même temps motax comme que mbir bi non la demé borom bi na subhanahu wa ta'ala dara am dépendrul ci minde fi amul dara lu dépendre ci minde fi manam dafa amal minde fi d'abord lata muy amal manam dafa nek mom lamu don tuddu ay touram lata minde fi di lata minde fi di am manam moy lan moy sa borom subhanahu wa ta'ala mom la at-tahawi rahmatullah di wax ci aqidam bi borom subhanahu wa ta'ala c'est pas parce que dafa bind minde fi que motax mu tuddu khaliq dedet mom khaliq la rek contrairement ak mu'tazila yi par exemple ñom dañ japp ne borom bi subhanahu wa ta'ala dafa tudd dafa créer minde fi ba pare lolo tax mu nek ñu mën ko tuddé le créateur mais su démé ba nga xamantene légui minde fi ben amatul do tuddé créateur alors que wala bok fek mi ngi am kou fi nek ñukoy wërsegal day tuddu razaq wala razaq moy ki wërsegalat waye suñu démé ba amatul kenn ku ñuy wërsegal rek mom do tuddu razaq mom instant bi nekatu kon ce qui veut dire que ni pour ñom kon le fait que minde fi nek fi manam ak le fait que fonction attribut bi nek fi motax ñukoy mu koy exécuter manam muy appliquer wu lool mom motax ñu tuddu tour yalla tuddu tour yoy té lolou idi bobu dafa graw parce que lolou limi tékki moy borom bi da fay dépendre ci minde fi pour mel ni mu mel subhanallah la lay ték tay par exemple bu fékénté né nit ki mom moy tax manam mom moy ki rek tax par exemple amna ño xamanté né buñ fi néké yenn yi buñ ko défé nga mer en réalité lan mo indi mer ci yow kèn yow daano mer mais benn way mo fi nék rek am lu mu def nga mer moy wané ni mom dafa am effet ci sa kaw yow manam de temps que yow da ngay subir en fait lolou lay tek moy voilà wala bok yow daano ré daano ki ben waya fi nek dal dila rélo motax ngay ré yalla meru non lolou mom motax manam c'est pas parce que ñun dañ koy djéggelu que motax mu ñu djéggel dédé mom dafa melo rek bi djéggelat naka djék c'est pas parce que ñun dañu sakku ci mom wërseuk que mu ñu wërseukal wala yu mel non dédé waa xamal kay fa yakunu talabuka talabuka allah sababan li ata'ihi as-sabiq e xawmo xetuy wax yu mel non le ibn ibn ata'ila wax rahmatullah alayh ana naka la ngay mëna jappé né sa sakku gi ngay sakku ci mom dara té lolu nek lu sosu nan la lolu mëna nekké cause mom joxem gi mi joxé té mom joxé gi mi joxé nek dans l'antériorité absolue manam mom mu melo wonon naka jé ba muy dogal né da la jox bobu yow ñaanu gogo di baaxé amu ko sax existé go sax Allah Allah Allah manam lol la c'est à dire que idée bobu motax idée bobu graw manam idée bobu mo sésalé yor motax hein motax mu graw té lolou su amé kon ce qui veut dire que mindi fi ñom ñu am effet ci kaw borom bi subhanahu wa ta'ala relation cause à effet voilà té lolou ñom suñ ko xolon manam parce que ñom fiñ départ idée de départ bi mo baxul parce que bu fekkenté né da nga jappalé fonction fiek neko diko appliquer munuñu la tuddé fonction bobu lolou erreur xam nga tay motax lolou mom moy différencier entre ki nga xamantene dafa gëm ni ak ki nga xamantene mom aji gëm la lolou moy différencier ki nga xamantene par exemple mom da fay fadiaté ak ki nga xamné mom médecin la naka djék xam nga médecin mom même bu liggéeyul musul fa kenn médecin la rek fonction bi mi ngi ci mom du deug jangala kat bi même bu musul jangal kenn jangala kat la parce que fonction bi mi ngi fi bu mettre ko en application joxe rek mu def ko après de mais jangala kan la menuisier la man na li liguey yi menuisier yi man yep man nako mais même bu ko dul def bu ko exercer wul sax menuisier la ça veut dire que lolu te manam mo xese lay ñom mbir mi ñom degge wuñ ko nonu ñom dañu japp ne la bu da il faut manam yalla ñu yalla sam dal manam compréhension biñ ci am ci mbir mi mo bax manam borom ko subhanahu wa ta'ala segam lolu mum moy melo mi waxuma la tour waxuma la lan nek deug deng mune lolu kon lolu manam kon li ñi wara wax di indi ay partition ay ensemble ak yoy yep day nek ci li nga xamne mom moy meuna nek kulliyan aw juz'iyan wala bok manam moy meuna nek mbolo lepp ni ensemble wala partition manam moy ay element minal mawjudat ci nek ci fi mune wofal kulli li nga xamne mom moy lepp ni li dajale moy ensemble moy ma lo xamne dal la de tekela ala jamen ci mbolo aw jinsin wala xet lam yahtassa bo xamantene jagoowul bi juz'in ci ben khat min ajza'il zalika ci bobu le khat al kulli bay lepp manam lool la moy element day nek ensemble moy lool moy lo xamne buñ ko dajale day mbir mi day lambok lepp de telle sorte que munul manam moy composé xam nga ensemble likoy composé bu fekkete le mbir yi dafa am harmonie ci lepp ba yépp nuro manam nga xamantene pa ak bi element wa mais caractéristique element yi dañuy manam caractéristique ensemble dafa laal element yépp ci ensemble bi lool mom lañuy wax al kulli dinga wanti waw ak dexeñuk al ajza'i hein manam mbolam xajam yi taxta ci ronu zalikal kulli gogul lepp hein lepp wal juz'i li nga xamne mom moy al juz'i nak manam moy ak xat li nga xamne ko du xat la ma moy lo xamne dal la day tekte la ala fardin ci ben fard moy element wala moy ben len min afra moy chapatuli min afradil jamay ci chapatuli mbolo mi awul jins wala xet bi xeytu ci anam ko xamne amne la musharakata du dajalo fi ci min moma li xeyrihi ñel lenen li adam ngir ñak mu jana set yi askanonté li sey im ñeer dara minal mawjudat ci nekk ci fi lool la manam kon loolu moy element bo xamantene manam mom le fait que mu nekk fait manam moy caractéristique yi mu amé dafa tax ba duggul ci ben ensemble lool moy lu élémentaire manam kon lool la lu élémentaire ak lo xamné dafa nekk lo xamné dafa aju ci faire ensemble ñaar yoy lool mo leen wutal mais lolou nekité fi ñoo mel non ñom ñoy man di nek ensemble wala ñu nek ñoo xam dañ dañuy élémentaire hmm li nga mujja li adam mujja na satihi li shay'in min al mawjudat nekul ci ki bi wa nekul fi d'accord voilà muna wala yaqbalu kon du nangu dukhulal kulli hmm dugg lepp lepp manam lo xamne ko dugg lepp la moy ensemble ma andak mom li naf yi ngir dakk al musharakati manam bokale ma ho di andak mom fi martabati ci martabam fa batula kon bu boba day dadi yaq qawluhum wax di ñi wax ne huwa mom kat ismun tur la bo xamne juziyun bu beru la manam bo xamne mom rek bu dafa mom element la dal manam elementaire kon nak fala yasahu du yewen fi itlaqihi ci joyal mom borom subhanahu wa ta'ala wala bok ci tour bi allah illa lul al qawl wax ji ñi wax bi anno nek mom ismun tour la murtajal bo xamantene xarewul fenn lool rek mo fu mën ne ko comme ko mënuñu ko jël bolé ko ci ben ensemble niki nonu mënuñu ko jël génné ko mu nek ben élément kessé bo xamantene muñta dugg ci yeneen ensemble kon mënuñu fe wax leneen lul ne la ne mom kon en réalité ismun murtajal la moy ken xarewu ko fenn et que alamun manam mandarga la rek muy tektale ala dhat ci nek gi al wajibat nga xamne aji war la al wujud ak nek min haythu ci anam gi nga xamantene al martabat man ci anam al martabat martaba manam buñu xolé buñu baye xol rek xel concernant rek martaba yu la min haythu waye du ci anam gi ñuy xolé butunu dhat neub nek gi manam buñ ko xolé lolu moy ci côté martaba bi rek lolu mom motax ñu même ñi wax ne dañ ko xaré so xolé fofu lañuy développer mbir lo tax wax yi manam dakonté wul gep dakonté mais fi daf la bëggoon wax rek né la bayil xel né manam Allah yalla bi muy tuddu Allah amul won fu mu tambalé amul won ak manam boba amul dara lu waral mu tuddu non amul fuñ ko xaré wala commencé tout voilà légui par contre ñi nga bo xolé sincèrelo ñi wax né ci wala hala jogé ci walaha ci ci laha ci yoyep bo len setlo da ngay gis ñom ñep dañuy tektale bi danaka même manam moy borom subhanahu wa ta'ala le fait que mu nek bour nek ci kaw te ñep soxlo ko mu am rut wala bo xolé danaka manam kon martaba uluhiyya gog rek danaka lamuy juñjat rek muy de wala motax so setlo danaka ñom seen ñaari waxi mo nañ len bolé motax mu am ci benen fenen ci jawahir manu fu mu waxé lolu tamit wala mais ci uluhiyya gi la gey wala deng wala muna fa in qulta bu fekkene da nga waxne inna suwara waw man de amna luma jaxal ba nga waxene inna liwer boy ma suwaral mawjudati manam melo nekki ma'dumatun luñu am la lu manam ma'dumatun lu ñak la fil azali ci azal la zuhur amul ak feñ la xañel ko fa kayfa ana naka saxale wer min ha ci ñom at tawajjuhu di jublu di wax wal kalam ak wax ma martabate ak martabay al asma al turi manam lab bi moy yow bobu affaire existé guñ nek yi moy lan créature existé guñ nan lañuy mëna ku existé wul nan lay mën di wëlbeuti ku di waxtaan ak di wax ak turi dengo kulna dañuy wax ne inna zalika li nga wax ni kat haqqun deug la fi adami ha ci ñakam lol deug la ci ñakam walakin waya lamma ba nga xamne arada namna al haqq bur yalla bi deug subhanahu wa ta'ala namak sel nga ta'ala te kawenam zuhuraha ak feñam abraza dafa genni dafa balal min ha ci ñom suwaran ay melo moy ay image ay forme kal khayalat kem ay khayal manam moy ay imagination ay fiction dafa guenné ci ñom lool aw wala bok hiye bu la nexé nga ni ñom deug sax aynul khayalat ñuy deug nek yi nga xamné ñom hein moy yu khayalat yoy moy imagination yoy fiction yoy deng fa tawajjaha manam comme que xam nga en fait aduna bi naka jek minde fi musuñu dañ di am mais comme si minde fi tamit amuñu won lolu ñaari wax la yo xamanteni niñ leen di bolé yom na moy minde fi musuñu dañ di am manam ci xam xamu yalla parce que yalla comme xam xam amul fu mu tambalé amul fu mu yom naka jek xamna ni gaay ñun ñi dinañ mësa tok ni naka jek da ko mus xam te xam xam gogou musul changer musul soppé té xam gi mu ko xam mo waral tay mu am c'est pas parce que dafa am motax dana am ji motax mu xam ko dedet mom xam gi mu ko xam nam ko def ko mo waral mu am kon lolu lolu mom moy manam lolu la c'est à dire que kon le fait que mu xam ni mindi fi ba pare mu nam ko beug ko beug mu ñu exister motax ci la mo genné wulen ñom mais dafa wut ay melo yo xamantene dañuy manam dañuy tektale jëm ci mindeef yoyu dañuy pointer jëm ci ñoo ha pointer pointer pointer junju wa mais moy boy def ki informatique duñ ko xam boy di nga xam ci la ki boy programmation xam na pointer wala di nga xam mais lool la comme pointeur la c'est à dire que day dello tout temps ci ben affaire bo xamantene dafa nek fenn ci ben lo mo xam base de données la wala dara mu koy muy tout temps nga xamantene sa yu nek boko ci pointer xëccu manam ci programmation bu appeler ko lay dik mais fi point manam lool la manam dafa créer dafa génné ci ñom lo xamantene da leen di représenter c'est comme si da leen di représenter mais lu imaginaire la nekul dans le monde réel ni ci xarit mais ci xayal yi la nek ila wa ay xayalat lañ mu nek ci xayal yi lañ nek wala bok ñom ñuy jëmmé xayal yi ñuy jëmmé imagine même lool daf ñuy tal ñun ni mën nañ ko comprendre non mais jekki sa xel dem ci ben affaire bo xamantene wa man day bëgg na concevoir ben matériel bu bess bo xamne day liggéey nangam ak nangam du deug voilà dama bëggoon machine wala moteur auto la bëgg défar bo xamantene moteur bi légui dootul soxlati di jël essence ça veut dire que buy daw ci ngelawli rek ngelawli moko yëngal bu ko ngelawli dé yëngal mokoy may doolé manam mu utiliser énergie éolienne bi par exemple wala énergie solaire bi moteur bi di daw auto bi mën di daw parce que tout simplement ngel jant ba nga dal ci kaw et cetera comment je vais faire fim toll mi ngi sama xel mais nek gul ci biti ci réalité mi ngi sama xel du deug voilà comme niñi comme ki UBS yi wara genn après xéetu tablette yi xéetu ki nga xamantene da ngay def ni sa loxo ni rek écran bi yow ya koy tracer rek écran bi nek fi boko bëgge yobbu ci waju nga déplacer ko bo démé ba fofu yow sa loxo rek ngay def ni reud affaire bi talal ngay ki tal na télé bi sétal wala yu mel non voilà sanniko talal def ni mu talal manam lolu mi ngi sama xel ja mënu di imagine na mais créé wul gumo le fait que nak ma diko imaginer non lolu monam ko lolu mën nay communiquer ak man day waxtan ak man te pourtant man manam en tant que mindef man mën na lolu manam mën na lolu di communiquer ak man nan ma non mais c'est que so beugé ma mel non il faut nga doxale ni lolu la bay wax il faut nga doxale ni c'est-à-dire que programme bi ngay utiliser il faut que nga et cetera nangam dafa am ay règles yo xamantene ci walu énergie moy dox légui yoy bo mu jëlé nga intégrer ma ci place sangam man ci lay mëna fonctionner ni maniko ok man tamit ci sama xel maniko voilà légui ni moy bëgg nga ba kéro makoy concevoir ba mu mat ma dokk guéné ci réalité bi nak légui matérialiser ma matérialiser du deug wa moy da koy guéné ci imagination mu ñew ci idée voilà idée bu gu maintenant dem ba matérialiser ba matérialiser wu manam lolu réalité bobu borom subhanahu wa ta'ala doxale ak minde fi bi mu namé créer minde fi non la leen def da leen da fay leen guéné ci xayal manam wallahi masallu ala mais da leen guéné wala ci voilà ce qui fait que da fa indi ay image yo xamantene dañu nekk ci ay forme yo xamantene nekk ci imagination lañ wala sax ñom ñoy jëmm imagination yi dool la han ci fiction lañ ne wala ñom ñoy jëmm fiction bi lool deng lolu mom legui na fata wajjaha mu dadi djublul minha ci mu al khitab moy jokolante kaddu gogo al mudmar bi nga xamantene mom moy bi neub manam bi nga xamne mom moy wax ci bir alladhi bi nga xamne la yudrikuhu duko lamb duko daj al hissu hmm ak lamb manam lu concret manam monde concret bi munuko daj fa khatabat yoy nak ñoo do waxal nak al asma uturi al asma bi hadha al khitab ci bi lek jokolante kaddu fa tawajjahat bu ko defe mu dadi djublu mashiatul haqq cioba rek manam aji manam bur yalla bi deug subhanahu sop hein subhanahu gatchi ngalamam watarati kawenam li ibrahim ngir genné ko ngir amal mune wal khayal moy liñ do wax leg wal khayal khayal manam moy fiction imaginaire yasihu dana wer zuhuru ak feñ min haysa ci anam go xamantene la zuhura de ak nek ak feñam lo ho ñel ko fil khariji ci biti lool la manam moy lo xamantene mënul feñ ci biti dans le monde palpable ni mais dana mëna nek di feñ ci monde bobu nga xamantene monde fiction la mëna nek ñam même ñom manam amna ñu alamu xayal inshallah chapitre bi ñuy wara dugg ci kunuzi inshallah amna ci bir partie bi 8e partie bi alamu xayal la xayal ci affaire aduna bi lay expliquer wa xayal parce que monde la bo xamantene moy fiction mais monde bu réel la voilà gis nga mais fofu li fay meuna xew dana fay xew te alors que du meuna genn fi ci biti gis nga même voilà moy yow li ngay tok même to bo toge ding ko gis yow li nga jek tok dem chine delusi dem grand-mère delusi dou le dem ci geejje sangou fa delusi te ci me ci benn seconde nga def yoy yeb té yangi top nga top hein sa xel dem def ji lolou delusi dem def yoy yeb delusi hein muna wa suratu malak zalika lolou ma moy li nga xamne yarahu da nga gis annaimu aji nelaw fil manami ci gentami même ki nelaw ki gent lolou même chose la fa innahu ndax li wer wor moy mom yara day gis suratan ay jëm awwal bok suwaral ay jëm yu bari maxsu safan yu ñuy lacc yu ñuy daj yo xamantene dañuy palpable wa yukhatibuha muy jokkalante ak ñom kaddu wa tukhatibuhu ñoon di jokkalante ak ñom kaddu wa yudriku muy daj minha ci yoy uluman ay xam xam lam takun yo xamantene musuñu won nekkay ndoxu fam wa yata fek jëm yoy nonu la wujuda de tuk nek ci la nek la ha ñeelen fil khariji ci biti illa takhayyulul khal khalat ko rek manam mu nek ci imagination faqat kesse manam tay gënt soy gënt dal lay la nga gënt nek ci fo xamne da ngay gis ay jëm ño xamne na en réalité existé wuñu ci biti nga gis leen ngeen tok bokku jotay ngeen di waxtan ñu jangal la lo xamne réalité la yow bo yewu après ding ko mëna jariñu ñu jangal la ko wala bu benen yone boy def nangam del def nangam wala bok suba nangam dana am ku ñew wax la nangam mais boba nang ko tort nangam wala bok mu ñew ne la gis nga fatiha bi mokal nga ko gané ko waaw mu tarel mu ne la wala gis nga nak boku jëlé han nga jang ko nangam yon ci nangam dana la fajal aja sangam lolou do am ak yu mel non mais pourtant ñooñu nonu jëm yoyu ci sam imagination ni nek en fait yow nekuñu ci biti dans la réalité ni boy nelaw rek nga leen gis mom motax boy nelaw da ngay duggu ci aduna bobu côté pourtant li lay jangal boko defé wa day réussir waaw wa lu irréel jàngal la lu réel nga def voilà. Gis résultat waaw maanaam réel na irréel lu sauf que dafa nekk ci xayal dafa maanaam xayal moom moom lu existé la moom tamit matérialisé wu voilà dafa matérielul rek mais réel la voilà du lu matérielul lu nekk réelul léegi dégg nga moo tax mu ne faysa say xadabu yee woo zaalat dana dàq tilka suwar yooyu la jëm allah li kaw ni haa ngir nekk gi ñu nekk ne ñoom laa wujuda deetug am la haa ñel leen fil xaariji ci biti illa lu dul fil xayaali ci def-def la ci xalaat ci imagination ci fiction rek lañ existé existé wuñ dans la réalité fa kadhalika niki noonu haada li alladhi li nga xam ne zakarna tudd nañ ko fi xaqaiqi ci dëgg dëgg al wujudi nekkte fi maanaam réalité nekkte fi maanaam mbinde fi noonu tamit la ñu wax ci même cadre bi soo comprendree loolu di nga mën comprendre ñooñu tamit wax ak tour yi te fekk existé guñu dans la réalité wa huwa te moom kadhalika niki noonu waaqi woon luy xew la min xayri chakkin ci lu amul siki sàkk léegi kon wax na ci Allah ci de nga mën a wax amandaal al xikmatu xarañ nekk gi nekk maanaam sagesse bi sagesse fibtidaa yi ci tàmbalik haadihi salaati gi lay julli bi haadal ismi ci bi lay tur al sharif bu tedd lan moo tax yaqutatul xaqaiqi di salaatu ala nabi ñu tàmbalee ko ci allah allah allah mu ne fali kaw ni yi ndata fekk ne moom kat huwa moom al awalu mooy njaal biir alladi bi nga xam ne lam yataqaddamu jiitu wu ko shay un dara fal yalzamu da boo ko fekkee bu boobaa mu daal di taqoo na taqaddumu ak jiitoom ala kul shayin ci bépp mbir li xawli yi ngir wax gi nga xamante ne moom la wax moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli allah buri ala alayhi ci moom wa sallam te musal ko mu ne kullu mriin bépp mbir boo xam ne di baalin borom mbir la maanaam bu mata bàyyi xel la bu am solo maanaam baal fii ak solo lay tekk baal day tekk tamit xalaat waaw niki noonu baal day tekki am mbir rek maanaam mooy affaire wa aslaha baalahum ak voilà maanaam baal la loolu sinon am nañu ko sant tamit dañ ñëw sëñ Kalid ak ñëw sëñ Ali voilà ci te bu dee ci tubaab bi ñi ci nekk ci caaxaan muy caaxaan kat yi dégg nga mais am na mu ne nag kul amin bépp mbir boo xam ne si baal borom lu borom am solo laa yab te daw ci tàmbalee woo fii ci mbir moom bi bismillahi rahmani rahim ci bismillahi rahmani foofu wa loolu aq ta lu dog la wa kawnu wu nekk gi mu nekk nag salat maanaam loolu la le fait que mbir mu am solo dañ ko war di tàmbalee ci turu yàlla wa kawnuhu nekk gi mu nekk nag salaasan di ñett lil xesti ngir xirtal la alayhi ci moom wa ala musammaahu ak ca ka tax ak ca kañ ko tuddee subhaanahu tudd na mag salanga wa taala te kawanam bi rujoo ci di dellu ilayhi jëm ci moom taawilan maam ci jox ko mbir yëpp wastinaadan ak sukkandi istinaadan di jaare ci moom di yëg maanaam voilà wala wéeru waatimaadan ak sukkandiku wala wéeru ndax istinaad loolu la maanaam day tekki ngay jaar ci moom pour mën a yëg wala ngay wéeru ci moom tamit mooy asnada zahra par exemple dafa wéer voilà waatimaadan ak sukkandiku mooy di compté wu di basé ci moom wa tawakkulan ak tawakkul mooy wéeru lay tekki ba tey mais waaw léegi nañ ñëw après ñu jël baat yi benn benn war tawakkulal ak di tawakkul maanaam jox ko sa lépp wal tijaan ak wëru batay wala delu waxe wa mahabbatan ak kafer wa ta'ziman ak magal wa atibaran ak bayiko xel manam jox ko importance fi jamee al umuri ci bëpp mbir wa legi ñu delu ci baati ar ruju'u moy delu delu ci ruju'u ilayhi moy di delu ci yalla moy kon buma deme ci lu mën doon ak ci lu ma mën nek ma delu wat ci yalla retour tawil moy ma baye ko mbir mi jox ko lepp ne ko choix yek yep ngi ni ci say loxo la ne istinad moy comme liñ wax sank moy le fait que ma wër ci sama gannaaw manam moy ma baye xel ne kat mom rek mom moy ki nga xamantene buma deme ba seus ci mom lay seus recours wa plutôt wala bok day tek tam istinad moy ki nga xamne dama ci sukkandiku pour mën di yé hein ma meñu me bié benen bar la bi benen bar la i'timad moy ki nga xamantene mom moy sama keno manam keno gi nga xamantene manam moy pilier bi nga xamne mom lay deugerlo we mom lay japp di ci deugerlo d'accord tawakkul moy le fait que ma am ak wulu gu wir ci mbir mi diko ko jox mom borom subhanahu wa ta'ala mudi mugo teyil moy tawakkul iltija moy ma dem ba nga xamanteni manam yaakar gi may am ci mën di delu wat ci mom ma diko def manam al luju al iltija moy manam day tek delu wat mais ci bu and ak yaakar bi nga xamanteni damay dem daf moy bëm wax may dem fo ci mom manam nga xamanteni laqku way lay gëna doon wala damay laqku ci mom ci buma bëgge dara mais lool moy sumuy wut dara d'accord deng mahabba xam nañ ko moy ciofel taziman moy magal magnifier i'tibar moy jox ko importance bayiko xel fi jamee amour ci mbolam mbiri manam kon yi yep manam yiñ doon wax yep diko definir yep nga def ko ak sa borom subhanahu wa ta'ala ci mbolam mbiri lolou xirtal giñ la ci xirtal motax salatu ala nabi bi ñu tambale ko pour nga wax allah allah allah manam nga wax ko ñett yoon pour sa xel yep dem ci ne dama wara li dama wara delu ci yalla bay ko xel jox ko importance makal ko won ko sama ciofel yikitiko manam sukkandiku ci mom wër ko sama mbir yep delo wat sama lepp ci mom han wuti ci ko mom kesse bay lepp delu ci mom kesse manam gis nga wala bi haythu ci anam go xamne la ya shuddu du beru amrun mbir minal umuri ci mbiri illa ludul kana nek na al matlubu lani sakku minal abdi ci jam gi ar ruju' moy mu delu ila allah jom ci yalla fi ci mbir mom ci anam go xamne amul dara ci mbiru jam bi ludul daf ci wara delu allah فلهذا لي موتاخ كرر مبامكو ثلاثه نيت يون كانه ممل يقول داي وخني عليك ماغي لي دينك بالله تي الله عليك ماغي لي دينك بالله تي الله عليك ماغي لي دينك بالله تي الله خمغا خولا تاي واي وخال نيت ديكو دينك دارا ديكو كي نغاني كو ابلاي Ablaye Ablaye do nga wax li ngay wax importance gis nga ni mu gëné dëgër ke tay bo ñëw ni ko Ablaye dama la bu ko do wax de la nangam rek daal di wax li ngay wax mais le fait que voilà le fait que modou dal do ko wax li nga wax lolu de wala ga moto ya la ngi ala sama deng legui kon lolou motax mu tambale manam kon allah allah et puis tamit mu nek tour bo xamantene haqiqatan day le fait que ngay delou wat ci touru yalla bo muy allah allah allah de yeungal xol delou wat ko ci borom subhanahu wa ta'ala ba bare tamit day tax sa xel yep delou wat ci yalla nga motax yep manam mu wax muy formule yi yep nga war ko dund nga wara dund baat bi ci bopam parce que le fait que ma répéter ko ñet yoon dag may permettre mu dund baat bi ma allah allah allah hein dund baat bi xam deug deug geud gi borom subhanahu wa ta'ala ma téewal ko sama xol moy upp doola ke mo xob ben yoon deeng kon lool lay wax kon xamna ñoom fofu inshallah jottaay bi ñu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.